Est-ce que ça va bien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? Pour moi, ça va mieux. Un peu fatigué hier. Dans la méditation bouddhiste, il y a cinq états, cinq empêchements à la pratique. Et on peut rapporter ces empêchements à la vie en communauté aussi. Je vais reprendre l'enseignement que Thay avait donné en 98. Je vais reprendre les termes qu'il a donnés. C'est un peu différent de ce qu'on peut trouver n'importe où. Mais c'est pas différent, en fait, dans le fond. Ouais, ça marche, la sono. Tout le monde entend. Le premier empêchement à la pratique, c'est la prospérité. La prospérité. Si on veut prospérer sans cesse, alors on peut pas entrer dans la pratique. Et dans une communauté, en fait, on peut le rapporter aussi. Si un membre de la communauté veut prospérer sur un autre membre, alors ça n'ira pas bien, c'est sûr. Ça, c'est pas possible. Une communauté de pratique, c'est le partage qui prédomine. On peut pas avoir cette intention de faire des affaires, de faire du business. Mais dans la vie d'un pratiquant, si on a cette intention de prospérité, de s'étendre, c'est une vraie prison, c'est un piège. Le deuxième empêchement à la pratique, c'est la conduite sexuelle, basé sur le désir et sur l'envie. C'est un peu ce que j'ai dit hier. Bien souvent, quand on pense, on dit le mot amour, ce mot-là ne veut pas dire vraiment le mot amour. Il veut dire l'envie et le désir. Quand on se marie, on est très amoureux. Et la moyenne, ça dure 3 ans, je crois. Bon, bref. Et après, ça va moins bien. Et c'est peut-être après, en fait, qu'on commence à apprendre l'amour véritable. Si on reste ensemble. C'est mon cas. C'est mon cas. Au début, tout est merveilleux. Mais on se retrouve ensemble, c'est surtout une attirance, un désir aveugle, ou quelque chose comme ça, en fait. Une envie non réfléchie, comme ça. On croit que c'est l'amour, mais c'est parce qu'on n'a pas encore vu ce qui ne va pas chez l'autre. Et bien souvent, on ne voit pas ce qui ne va pas chez nous, de toute façon. Dans une communauté, c'est pareil. Peut-être au début, tout est beau, mais forcément, c'est comme dans toutes les familles. Il y a tout ce qu'on est ressort à un moment ou l'autre. Et ça peut créer des tensions, ça peut créer beaucoup de tensions, des colères. Et à ce moment-là, en tant que pratiquant, on doit commencer à pratiquer. La vraie pratique commence quand c'est difficile, quand il y a des problèmes. Quand tout va bien, on ne sait pas vraiment ce que c'est. dans une communauté et dans la pratique de la méditation, le troisième empêchement, c'est la renommée, le désir d'être connu, le désir d'importance. Et c'est valable pour nous. Le statut d'enseignant, alors ça c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est un statut que j'ai refusé pendant longtemps. On ne veut pas qu'il y ait une personne qui émerge. On fait tous partie de la même famille, en fait. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui est plus malin que l'autre. Il ne faut pas donner beaucoup d'importance à ce qu'on fait, dans le sens où ce que je fais moi, ouais, c'est quand même mieux. Je regarde l'autre, ouais, il ne fait pas si bien, il ne fait pas aussi bien. Alors ça, c'est pas bien du tout. C'est de la discrimination. Et ça ne génère pas l'harmonie dans une communauté. Et dans une communauté, si on voit quelqu'un, par exemple, qui invite à la cloche, et on sait, on voit, il ne sait pas, peut-être il ne sait pas encore bien faire. Mais si on a cette idée, moi je fais mieux que lui, je suis meilleur que lui, alors ça ne va pas. Il faut guider la personne pour qu'elle se libère et qu'elle s'améliore. Si on est meilleur, il faut être disponible et au service des autres pour qu'ils s'améliorent et qu'ils approfondissent leur pratique. Comme ça, on crée des liens de fraternité, on crée des liens harmonieux entre les personnes. La renommée, c'est très dangereux. Parce qu'au final, on peut toujours se poser la question. C'est la même question pour la colère que pour la colère. Et on peut se la poser intimement. Dans 300 ans, où serai-je? Que ferai-je? C'est ça. Hein? Il y a un quatrième empêchement, c'est le doute dans la pratique. Nous sommes remplis de doutes, heureusement. Mais si le doute devient trop fort, alors ça va bloquer. En fait, si on est rempli de certitudes, ça revient au même. Si on est sûr de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, à 100%, c'est aussi un empêchement. Et c'est normal dans la pratique d'avoir des doutes. De temps en temps, le doute monte parce qu'on n'est pas stable. On pense que ce qu'on fait n'est pas correct, ne va pas aider les autres. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pratique, mais au lieu que ça s'améliore en nous, ça se dégrade. On ne se sent pas bien du tout. Et on perd confiance. Tout ce que je dis, je ne l'invente pas. C'est aussi ma vie. on a des doutes. Et Thaï, une fois, nous a dit directement, je suis plein de doutes. Alors que nous, on trouvait que vraiment, on ne peut pas trouver mieux, quoi. Et on s'est dit, c'est pas possible. Et c'est toujours impressionnant quand un homme comme ça vient vous demander, à part, vous trouvez que ça va, comment j'ai fait? Je dis, oui, ça va très bien. Vous inquiétez pas, tout va bien. On n'oserait jamais dire le contraire, là. Soyez tranquille, ça va bien. Marcher en pleine conscience ou s'asseoir paisiblement en laissant le corps se détendre et la respiration s'installer naturellement. Ça, c'est ça la pratique. C'est rien de plus. Et quand ça va mal, c'est ça qu'il faut faire. Pas trop réfléchir. Pas trop penser qu'est-ce que je dois faire pour aller dans quel sens. Parce que c'est ça, c'est juste s'asseoir, juste marcher. Si ça ne va pas pour vous, vous pouvez balayer, couper des légumes, mais toujours librement, paisiblement, quoi. En ne permettant pas la préoccupation de prendre de l'ampleur. Et ça, il faut avoir confiance. Dans la pratique, il faut avoir confiance là-dedans. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. C'est pas croire que cette statue derrière moi est très importante. C'est juste un morceau de bois. Les maîtres zen, souvent, ils aiment bien rien, une pièce où il n'y a rien. Parce que sinon, on va donner de l'importance. Si on se prosterne devant le Bouddha, on se prosterne juste pour soi-même, pour entrer en contact avec soi-même, avec l'élément paisible qui est en nous, avec notre nature profonde. Pépineau, il se prosterne devant le Bouddha, il va rentrer avec sa vraie nature de Pépineau, qui n'est faite que de tous les éléments qui ne sont pas Pépineau. Et voilà. Je dis ça parce que Pépineau, il a dit, le Bouddha, c'est pas nécessaire. Et c'est vrai. Mais la statue n'est pas nécessaire. C'est pour rigoler et ça l'a mis à faire rire. Donc il faut éviter tous ces états. On peut les rapporter à une communauté de pratique, effectivement. Et c'est l'opposé de ce que j'ai dit hier. L'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, l'égalité. Porter un regard égal dans une sangha, tout le monde n'est pas au même niveau de pratique, mais dans le fond, on est tous au même niveau. Tous. Et on peut apprendre beaucoup de chacun, quel que soit son niveau. et surtout pour les membres de l'inter-être. Il ne faut pas les regarder comme des gens au-dessus des autres. Ils ne le sont pas. Et dans notre, on pourrait dire dans notre charte, nous avons quelque chose comme ça en fait. C'est très clair. Les membres de l'inter-être sont au service de la communauté. On est là pour faire le service et pour que les amis qui viennent pratiquer puissent s'asseoir paisiblement, toucher ce qu'il y a en eux. Alors on dirait toucher la souffrance, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de toucher ce qu'il y a de beau, de joyeux. Toucher la souffrance, c'est peut-être alimenter la souffrance. Quand on marche, on fait une marche méditative, si on regarde les champs labourés et que là-dedans, on voit que la souffrance, c'est pas juste. Mais si on va marcher et qu'on voit ces champs labourés comme une mer, et si on essaye de voir plus loin pourquoi les gens labourent la terre comme ça, peut-être ils sont pris aussi dans un système où ils n'ont pas le choix. Donc on doit aussi apprendre les moyens, peut-être à changer ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques qui en fait ne sont pas si nouvelles. Où on ne laboure plus la terre. Et il paraît que ça marche très bien. Ça pousse très bien. Peut-être que pour faire vivre une communauté, il ne faut plus labourer la terre non plus. Il faut laisser les choses se faire naturellement, avec bienveillance. Être présents les uns pour les autres. Être bienveillant avec ceux qui en ont besoin est toujours disponible. Mais il faut aussi savoir se nourrir soi-même. Trouver les moyens d'être paisible, d'avoir de la joie. Ça, c'est le plus important. Il nous a enseigné que le présent est fait du futur, mais sous forme de graines, et qu'il est composé aussi du passé. Et il nous a enseigné un très joli... Il nous a donné une très belle image. Il nous a dit, essayez d'avoir un présent heureux pour avoir un passé heureux. Oui. Parce que souvent, dans le présent, on regarde notre passé et on ne voit que les choses qui ne vont pas. Et ça conditionne toute notre vie. Et on vit dans une sorte de... Il y a une sorte de souffrance latente, comme ça. Parce qu'on ne pense qu'aux choses qu'on n'a pas réussies. Mais ça, c'est les regrets. Et le moyen d'avoir un passé dont on se souviendrait et qui nous apporterait de la joie, alors le meilleur moyen, c'est de le construire dans le présent, en se nourrissant d'éléments paisibles et joyeux. Le passé n'est plus, dans le bouddhisme on dit ça, le passé n'est plus là. Pourquoi y penser encore? Mais Thay a rajouté, le passé se présente sous la forme du présent. Et ça, on peut agir. On peut agir. Si on pense, par exemple, dans notre famille, nous avons hérité des graines de nos parents, de nos grands-parents, et nous pouvons être tristes parce que peut-être nous avons hérité de choses difficiles, soit au niveau mental, soit au niveau physique. Et on peut être affligé par ça. On se dit, j'ai pas de chance dans ma vie. Parce que, voilà, je suis comme ça, parce que c'est l'héritage de mon père ou de ma mère ou des grands-parents. Ça fait partie un peu du karma. Mais si on arrive avec cet héritage-là, si on arrive malgré tout à faire cette pratique de la pleine conscience qui peut nous amener à toucher la joie, à toucher ce qui est beau, alors peut-être que pour nous, oui c'est ça, on a ces problèmes-là. Mais peut-être qu'on va pouvoir, pour la descendance, apporter une amélioration. On peut même apporter cette amélioration directement à nos ancêtres. Quand je marche, si je marche et que je suis en colère, que je suis triste, et que je pense mon père par exemple, buvait d'alcool, et ma santé aujourd'hui est altérée à cause de ça, quelque part. Et si je continue à marcher dans cette idée-là, je n'apporte pas de paix à mon corps, ni à mon esprit, mais je n'en apporte pas non plus à mon ancêtre. Même s'il est décédé, je continue à le faire souffrir. Par contre, si je dis... Mon papa, oui, il est mort à cause de l'alcool, c'est vrai. Mais si je regarde pourquoi il a bu autant d'alcool, et c'était le cas de mon père. Mon père, il a bu l'alcool beaucoup parce qu'il était obligé de travailler. Dans ce temps-là, comme ma mère d'ailleurs, c'est 14 à 18 heures par jour. Et il était poseur de store à l'extérieur des immeubles. Et il avait le vertige. Et il a bu l'alcool pour pas avoir le vertige. Et moi, qu'est-ce que j'ai hérité de lui? Je ne peux pas monter à 2 mètres de haut. Je tombe. C'est même plus que du vertige. C'est instantané, je tombe. Je ne peux pas visiter les monuments de Paris ou de Bruxelles c'est quoi? L'atomium, c'est ça? Oui, une fois je suis arrivé là et je suis resté en bas. J'ai trouvé ça très beau. Et quand je marche avec mon papa. Et soit je regarde, je me nourris de ce qui est beau, ou simplement je marche paisiblement pour lui. Et je lui dis, tu sais, moi, je bois plus d'alcool depuis longtemps. Parce que je n'ai pas voulu perpétuer ce problème-là. Et mon fils, et j'espère que ça durera, je n'en sais rien, il a 20 ans maintenant, il ne boit pas l'alcool. Il ne touche pas à ces choses-là, naturellement. Et je ne lui ai jamais dit, tu ne dois pas boire d'alcool. Jamais. C'est seulement par la présence, la pratique à la maison. C'est un moyen de nourrir la fraternité et l'harmonie. Dans la pratique, on peut nourrir ses ancêtres, même s'ils sont déjà décédés. Mais ils ne sont partis que sous la forme qu'ils avaient, c'est tout. En nous, il y a la continuation. Et nous pouvons mettre un terme, par exemple, à un problème comme l'alcool. Oui, on peut mettre un terme directement soi-même dans sa vie. Et peut-être que ça va continuer. Et je pense que même s'il y a des maladies dans les familles, on peut apporter un bienfait. Mais de toute façon, il faut quand même garder à l'esprit que la maladie fait partie de la vie. Le Bouddha nous a enseigné ça avec les 5 contemplations. Il est dans ma nature de tomber malade. Je sais qu'un jour, je ne pourrai pas échapper à la maladie. Il y a la vieillesse, il y a la mort. Il y a tout ce qu'on possède et tous nos amis dont il faudra se séparer. Et à la fin, il y a le karma. Et le karma se compose de 3 parties. Il y a le karma dont on hérite. Karma est tout. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a ça, c'est ça qu'on a comme bagage en fait. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui, à l'instant présent? Donc ça c'est le fruit de nos actes qu'on est en train de construire. Et c'est les pensées, les paroles et les actes. C'est ça le karma, c'est tout. Et ça, on peut le construire à chaque instant, et c'est la seule chose qu'on peut, sur laquelle on peut agir, en fait. Si on nourrit la colère, la tristesse, les regrets et tout ça, alors on est en train de construire le karma futur, qu'on appelle karma phala, et qui va donner un fruit alors beaucoup moins bon. Si par contre aujourd'hui on décide que malgré les difficultés, malgré tout un tas de choses négatives dont on a hérité, on décide de vivre paisiblement, de respirer en paix, marcher en paix, vivre paisiblement avec les autres. Alors on va construire un... Ça va être autre chose qu'on va transmettre. Et c'est pas quelque chose d'abstrait. Parce que si on a des enfants, alors tout de suite, vous allez voir ce que vous allez transmettre. Mais si on a une communauté de pratique, vous pouvez transmettre aussi tout de suite à n'importe qui quelque chose de mieux ou de moins bien. Uniquement par notre propre attitude. J'ai déjà dépassé le temps. Cher Thaï, il est là. Moi j'aime bien cette expression, cher Thaï. Pendant longtemps j'ai dit cher Thaï, cher Sangha, chers amis. Et puis après tout d'un coup je me suis dit, mais quand je dis cher Thaï, il est vraiment là quoi. Il est avec nous. Il est en présence avec nous. Donc maintenant, quand je dis chère taille, je l'imagine. Et ça me fait du bien. Donc chère taille. Chère sangha. Chers amis. C'est ça la fraternité, en fait. C'est juste de reconnaître la présence de l'autre. Ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, mais quand même c'est bien. Et en fait, moi je me disais que la fraternité c'était aussi un résultat. Le résultat de quand on soulève le voile comme ça, des stratégies comportementales, c'est-à-dire la façon dont on se comporte dans le monde. Et on se comporte avec plein de masques pour être aimé, pour pas être rejeté, pour être apprécié. Donc on a plein de masques comme ça, des jolis, des moyens, mais enfin on essaie de mettre les beaux quoi. Et quand on soulève le voile comme ça, on va vers essayer de comprendre, on va aller enlever ce voile et on va aller voir les souffrances, on va aller voir les peurs, on va aller voir les envies, les désirs un peu bizarres. Et quand on soulève ce voile et qu'on rencontre ça chez l'autre, que l'autre se confie, mais pose comme ça, parce qu'il se sent en confiance suffisamment pour pouvoir le faire, alors on découvre la personne telle qu'elle est. Et quand le cadre est suffisant pour qu'elle puisse poser ça en sécurité, alors on est touché. Parce qu'on se met à comprendre l'autre. Et du coup, ça crée du lien. Et hier, dans la famille où j'étais pour le partage, à plusieurs reprises, a été souligné combien les partages du Dharma sont des moments précieux pour pouvoir enlever les masques et poser ces parties de soi qui sont belles et puis d'autres qui sont un petit peu moins belles et pouvoir les poser en sécurité, en confiance. Et quand on entend l'autre ou soi-même être dans cette capacité de se montrer tel qu'on est, il y a quelque chose dans le lien qui se transforme. En tout cas pour moi, moi je vois l'autre différemment. Je me mets à comprendre ce qui fait que devant le voile, il y a quelque chose qu'au départ, je ne comprenais pas. Ce comportement qui parfois me heurte ou m'attire. Et donc, je vais à la rencontre de l'autre dans sa vérité. Et ces partages du dharma sont vraiment des moments incroyables que nous offre la pratique pour pouvoir poser, exprimer qui on est dans ces fragilités. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude envers Thaï de nous avoir offert cette pratique et aussi de la différencier des groupes de thérapie parce que des fois, on confond. Et parce que c'est en lien avec la pratique, quoi. C'est vraiment en quoi la pratique, elle nous transforme et comment on peut exprimer ça. Et cette écoute qu'on peut avoir, alors on dit souvent dans le partage du dharma, on écoute sans jugement. Alors moi, je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi, non. Parce qu'à l'intérieur de moi, je peux avoir des jugements, de me dire, oh, c'est lourd, son truc. Ou bien, ah, ouais, c'est bien. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Ah, ben tiens, je découvre. Donc, c'est des jugements, tout ça, quoi. Et du coup, il y a une autre pratique qui m'est offerte, qui est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pouvoir se dire, tiens, t'es dans le jugement, Corinne. Il y a même des fois où je suis un peu impatiente que ça se termine. Vous voyez, le truc qui dure, comme ça. Alors, je souris, mais à l'intérieur... Oh, putain, c'est lourd. Mais... J'ai une autre pratique qui est là et qui observe. Elle me dit, ah tiens, tu trouves que c'est lourd. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui fait que tu trouves que c'est lourd? Tiens, peut-être que ça résonne sur des parts que tu n'as pas envie de voir de toi. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ça résonne. Alors, oh. Et donc, cet observateur interne, là, cette conscience, hein, cette observation de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est ça que je trouve très beau dans cette pratique du partage du dharma, c'est qu'il y a ce temps de silence, puisqu'on n'est pas dans le ping-pong, on n'est pas dans l'échange. Ah, non. On se tait quand l'autre parle. Et en plus, il faut attendre qu'il ait fini. Et donc, du coup, ça permet vraiment de rentrer à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est ça l'écoute profonde, c'est de rentrer à l'intérieur de moi et d'écouter ce qui se passe en moi, qui est réveillé par la parole de l'autre. Et de détendre, de détendre, de détendre. Détendre les tensions qui sont réveillées, et d'apprécier la détente quand elle est là. Et le partage du dharma est vraiment une pratique de fraternité. Et hier, la famille dans laquelle j'étais vraiment faisait... émerger ça, et c'était très beau de voir comment, parce qu'il y a de la fraternité, parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a de la détente, alors on peut aller plus profond en soi, on peut se confier. C'est beau ce mot, se confier. On fait confiance. Et ça, c'est vraiment... rare dans la vie. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans notre vie où on peut vivre ça avec des personnes qu'on connaît plus ou moins, puis qu'on apprend à connaître dans les sanghas, parce que le fait de pratiquer en sangha aussi, ça fait que petit à petit, on se connaît. Alors on se connaît d'une certaine façon d'ailleurs, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, il y a des gens que j'ai l'impression de connaître très en profondeur, et en fait, je ne sais même pas ce qu'ils font dans la vie. Mais ce n'est pas grave. Et c'est la pratique qui nous aide à se rencontrer comme ça, à travers cette authenticité d'être, qui est pour moi vraiment un ferment de la fraternité. Quand j'avais 30 ans à peu près, j'avais suivi une formation, j'étais observatrice dans une formation sur le management. Et à la sortie de cette formation, c'est vraiment, moi, j'ai très peu de souvenirs de mon passé, j'oublie tout. Mais ça, je m'en souviens toujours. J'ai eu deux pensées. La première pensée, c'était j'aimerais vraiment rencontrer des groupes dans lesquels il y aurait une parole authentique. Et voilà. J'en ai 57. Et je les ai rencontrés. Et j'y suis. Merci, David. Et la deuxième pensée, c'était un jour, je formerai en silence. Alors, c'était totalement incongru, cette pensée. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je me suis dit, qu'est-ce que ce truc ? Un jour, je formerai en silence. Voilà. Et j'ai laissé faire la vie, et la vie m'a renvoyé des choses et m'a permis de, non pas de former, mais de partager en silence. C'est bien. Moi, je suis contente. Et puis aussi, j'étais dans une autre famille hier. Et dans cette famille, on a beaucoup ri. Et je trouve que... Alors, on a ri d'abord de nos bêtises. Pas bêtises. De nos... Comment on pourrait appeler ça ? La famille a fait des choses que normalement, on ne fait pas. Voilà. Et on a ri. C'était très joyeux. Et c'était très joyeux. Et pour moi, ça participe aussi à la fraternité parce que on n'est pas dans comment tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ça n'est pas bien du tout, tu sais. Tu vas être exclu. Attention, si tu pratiques pas bien, tu n'appartiens pas. Moi déjà, j'ai froid dans le dos. Et là, non, on a ri. On a ri. Et ça, c'est bien. Rire. Et c'est, moi, c'est ce que j'aime aussi dans cette pratique du village, parce que moi, je suis une grande rebelle devant l'Éternel. Je me soigne. Mais quand même, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je serai rebelle. Et puis, c'est ça que j'aime bien en même temps. Il y a un côté que j'aime bien dans le rebelle. Tout n'est pas bon, mais il y a du bon. Du bon dans le sens de ne pas prendre les choses comme ça pour argent comptant, quoi. J'ai besoin qu'il y ait du sens. Et ce que j'apprécie beaucoup et qui pour moi participe à ma fraternité avec la pratique, c'est que on m'a jamais imposé les choses dans cette pratique. J'ai regardé, j'ai écouté et j'ai appris par l'exemple. Et au village, chaque fois que je suis allée au village et que j'ai fait des choses qui, par exemple, j'ai oublié de m'arrêter, j'ai oublié d'arrêter de parler, ce qui m'arrive encore d'ailleurs, parce que je suis dans mon truc, et puis voilà. Et puis je vois les autres qui s'arrêtent, et tout d'un coup, tiens. Et il n'y a personne qui vient me dire, Corinne, en plus tu es enseignante du dharma, quoi, donc ça va, quoi. Tu pourrais depuis le temps te souvenir qu'on s'arrête quand il y a un truc qui sonne, quoi. Non, personne. J'ai juste à regarder autour de moi, à prendre exemple sur mes frères et sœurs du dharma, et je me rends compte que voilà, je me suis pas arrêtée et que c'est pas grave. Et Sœur Chang Kong, c'est peut-être une des choses qui m'a permis de rentrer dans la pratique. Sœur Chang Kong, la première fois que je suis allée au village, elle nous a dit vous savez, si vous faites pas comme il faut, c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Oh. Alors là, moi, c'était du pain béni. C'est-à-dire que je sortais de la... Un peu judéo-chrétien, vous connaissez. Et tout d'un coup, j'ai entendu, mais c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Donc c'était quand même, tu essaieras. C'est pas du laxisme total, hein, c'est tu essaieras. Mais voilà, c'est possible de se tromper. Et dans cette famille, donc, où on a beaucoup ri, après, on nous a raconté une histoire. Bon, je ne citerai pas la personne parce que je ne veux pas le déranger. Mais on nous a raconté une histoire. Et avant de nous raconter l'histoire, il faisait un peu frais parce qu'il y avait le soleil qui était là, puis qui se cachait, puis qui était là, puis qui se cachait. Et puis la même personne qui a raconté l'histoire, elle est venue, puis elle m'a mis une couverture comme ça sur les épaules. Et ça m'a beaucoup touchée. Ce qui m'a touchée, en fait, c'est pas tellement la couverture en tant que telle, c'est le fait que j'avais rien demandé et quelqu'un pensait. Voilà. Excusez-moi. Et pour moi, c'est ça la fraternité, quoi. C'est On prend soin de vous avec des petites choses comme ça qui peuvent paraître petites et qui sont énormes. Et ensuite, on a entendu une histoire, et cette histoire, dans l'histoire, les mots étaient habités. Il y avait une présence complète aux mots. Et on était dans l'histoire. Enfin, moi, j'étais dans l'histoire, en tout cas, je ne sais pas les autres. Mais... Oh, moi, oh, j'étais... Et alors, j'avais l'enfant en moi qui se réjouissait, mais totalement de cette histoire. Quoi. Et je sentais quand même que dans la famille, ça se passait. Quoi. C'était présent, quoi. C'était fort. Et on était, oh, c'est beau, c'est bien. Et voilà, et ça, c'était du cadeau, quoi. C'est ça, la fraternité, pour moi. Donc, voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments. Et du coup, dans la pratique, c'est aussi ça. C'est, pour moi, en tout cas, c'est... Oui, il y a les enseignements, mais il y a tous ces moments entre nous, comme ça, où on va vivre des moments de fraternité. Et pour moi, la fraternité, elle s'inscrit encore plus quand non seulement je vis la chose, mais j'en suis consciente de cette chose. Quoi. C'est-à-dire que non seulement je suis là, et en même temps, il y a une sorte d'arrêt intérieur qui fait que hop, je prends un peu de distance avec ce qui est en train de se passer. Et, oh, j'apprécie. Quoi. C'est un mouvement comme ça, là, hop, comme ça. Oh, c'est super. C'est ça pour moi, là. Ce qui me permet de profiter cette conscience de ce que je vis au moment où je le vis. Et la gratitude qui s'installe en moi de profiter de ce moment plus encore que si je le vivais sans en profiter. Quoi. Et c'est un peu comme, par exemple, j'arrive devant... Au moment où je vais prendre un bus, et il arrive au même moment. Je ne sais pas si vous voyez. Il arrive juste au moment où j'arrive à l'arrêt. Waouh. Alors, je peux le faire sans m'en rendre compte. Je peux monter dans le bus sans m'en rendre compte. Ou je peux m'arrêter intérieurement et me dire « Waouh, c'est génial. C'est top. Vraiment. » C'est ce que Sir Chan Kong appelle les petits bonheurs. Cette conscience du bonheur que la vie m'envoie en fraternité avec moi. Et puis, il y a cette fraternité avec soi-même aussi. Par exemple, moi, je touche à l'intérieur de moi mes états intérieurs. Et il y a des moments où il y a cette joie et vraiment j'en profite, je me nourris de ça et ça me fait vraiment du bien. Et puis il y a des moments où... par exemple, en ce moment, depuis quelques temps, là, je médite et je touche des zones en méditant. Là, pas ça. J'ai mal, donc je m'agace. Donc je me dis, ah, depuis tant d'années que je médite, j'ai encore mal. Hein. Et donc j'ai une partie de moi qui est vraiment... qui en a marre d'avoir mal, quoi, en gros. Et alors à ce moment-là, je suis agacée, et puis je me dis, bon allez, je vais penser. Comme ça, si je pense, j'aurai plus mal. Parce que si je pense en méditant, j'ai pas mal. Hein. Donc je pars dans des idées, des machins. Puis bon, il y a une partie de moi qui me dit, non, encore une, reviens, pratique. Je reviens et là, des fois aussi, je prends soin de ce qui se passe en moi. Alors, j'utilise ma pleine conscience. Je vais prendre conscience de cet état intérieur ou de cette douleur physique. Et alors, je vais la reconnaître, l'identifier, la reconnaître. Pas seulement l'identifier, parce que on peut dire, tiens, j'ai un endroit là qui est, où j'ai un sentiment, une émotion, mais la reconnaître. C'est-à-dire vraiment, vous savez, quand on reconnaît quelqu'un, c'est-à-dire quand on reconnaît quelqu'un, la personne, elle se sent nourrie. Ah, je suis reconnue. Ah, ça fait du bien. Quoi. Donc je reconnais cette partie de moi. Je rentre en fraternité, en sororité. Parce que je suis une fille. En sororité avec cette partie de moi qui n'est pas bien, quoi, qui souffre. Je l'écoute. Je lui dis, viens ma petite peur, ma petite angoisse. Alors, toujours petite, hein, ça c'est Sœur Yagnim. C'est pas longtemps, hein, c'était à la retraite francophone. Elle disait, dites petite peur, parce que ça la rend plus petite. J'ai bien aimé ça, ça m'a bien plu. Donc, alors je dis, oh ma petite angoisse chérie, oh ma petite peur chérie, viens, viens. J'écoute, je t'écoute. Dis-moi. Alors, je regarde dans mon corps où est-ce que ça se situe. J'en parlais avec Bénédicte tout à l'heure. Je regarde dans mon corps où ça se situe pour savoir voilà, où est-ce que c'est physiquement. Et puis, voilà, j'en prends soin. Je dis, viens, je m'occupe de toi, viens, je t'écoute. Et souvent, ça parle. Ça dit des trucs, ou ça peut être des images, ça peut être des paroles. Mais ça parle, ça dit. Ça dit quelque chose. Et alors, j'en prends soin. Voilà, je berce. Alors, des fois, ça fait ça calme, des fois, ça calme pas, mais ça se transforme. Je sens que ça se transforme. Donc, je rentre en fraternité avec moi. Et comme ça, j'ai pu rencontrer des tas de parties de moi. Parce que moi, je suis une mosaïque de choses. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis la violente, la colérique, la joyeuse, la gentille, l'amoureuse, la délinquante, la voleuse. Enfin, je suis tout ça. Moi, j'ai rencontré tout ça dans ma vie. Hein. Et par exemple, la délinquante, moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie sur la violence. Donc, je l'ai rencontré aussi à l'intérieur de moi. J'ai rencontré ma violence. Je n'aimais pas ça, hein, du tout. Surtout que je l'ai rencontré avec ma fille, moi, ma violence. Et ça, c'est terrible. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais être violente alors que je ne savais même pas que j'étais violente. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était une confrontation de besoins. Elle avait besoin que je m'occupe d'elle et moi, j'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Et à l'époque, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Donc... je ne pouvais pas m'occuper d'elle puisqu'on ne s'occupait pas de moi. Enfin bon, elle était petite. Et du coup, elle me poussait, quoi. Comme les enfants savent très, très bien faire. C'est des maîtres. Hein. Donc, un jour, j'ai un truc qui est monté comme ça, mais une violence. Mais et j'ai compris qu'on pouvait tuer son enfant. Donc, heureusement, j'ai eu le réflexe de la mettre à l'extérieur. Et j'ai tapé sur un canapé, il y avait un Minitel, vous voyez l'époque des Minitel, j'ai tapé sur le Minitel, il a explosé le Minitel, je me dis heureusement que je l'ai mis dehors. Mais j'ai senti qu'on pouvait être débordé par ça, quoi. Donc après j'ai compris que ça pouvait monter, alors je faisais attention et quand je sentais que ça montait, je m'étais aidé. Enfin, voilà, j'ai appris à gérer ça. Mais et alors après la culpabilité, je vous en parle même pas, hein. Comment être violent avec son enfant, machin, truc. Bon, et donc après, j'ai pris soin de ma violence en moi, et de... Voilà, je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai de la violence en moi, j'ai de la colère en moi, et comme j'ai pris soin de ça, d'abord j'ai reconnu, c'est-à-dire que j'ai pas essayé d'éviter, petit à petit, hein, parce qu'au début, non, non, pas moi, pas moi, les autres, mais pas moi. Mais si, moi. Donc j'ai pris soin, j'ai pratiqué, vraiment la pratique m'a beaucoup aidé à transformer ça. Et du coup, aujourd'hui, quand je rencontre des personnes comme ça, eh ben, je les comprends mieux. Parce que je me dis, ah tiens, moi aussi. Alors ça ne veut pas dire que j'ai toujours géré la relation, hein, mais quand même, j'ai beaucoup plus d'empathie. Parce que je reconnais une partie de moi. Et je sais que moi aussi, je peux être comme ça. Si c'est arrosé par un événement, comme nous le dit Thaï hein, dans son schéma, son cercle. Il y a un événement qui vient arroser une graine et pouf, elle monte. Et ça va très vite. Et la pleine conscience est là pour la reconnaître, l'identifier, la reconnaître et la percer. Pour qu'elle puisse redescendre. Mais elles sont toujours là. Hein. La pratique nous aide juste à les gérer, mais on sera toujours avec toutes ces émotions. Parce qu'elles sont en nous. Et c'est bien. C'est bien. Et puis je vais terminer avec une histoire qui m'est arrivée avec Thaï. En fait, j'ai commencé avec ça, moi, la pratique. J'étais. Donc c'était en 99. Et en 2000, il y avait. Une manifestation organisée avec Tishnathan à Maubert Mutualité à Paris. Il y avait une conférence à faire. Et moi, j'ai fait longtemps dans ma vie, j'ai fait de l'organisation d'événements. Donc, j'arrivais dans la Sangha et je connaissais rien à rien au bouddhisme, à Thaï, tout ça. Et je me rappelle Mintri qui dit « Est-ce que quelqu'un veut nous aider à organiser cette conférence ?» Et moi, à l'intérieur, j'ai entendu « Oui ». Alors, vous savez, c'est ces trucs des fois qui nous arrivent un peu bizarres. Alors, je lui dis, ben moi. Et à l'époque, c'était, y avait, la sangha n'était pas très grande, à Paris, elle était même toute petite. Et donc, Mintri était le lien avec le village, puisque moi, je ne connaissais rien au village. Et donc, j'ai demandé à quatre amis, trois amis, qui n'avaient rien à voir avec Thich Nhat Hanh, rien à voir avec le bouddhisme. Je leur ai dit, voilà, il y a une conférence organisée pour Thich Nhat Hanh, vous ne le connaissez pas, mais est-ce que vous seriez d'accord pour le faire bénévolement avec moi? Et ils m'ont dit oui. Alors ça, c'était quand même assez surprenant aussi. Et puis, on devait faire un dossier de presse. Parce que comme on ne savait pas comment ça se passait, on s'était dit, il faut qu'on aille voir Thich Nhat Hanh, qu'on lui pose des questions, qu'on l'interviewe, qu'on sache qui va dire pendant sa conférence, quel est le thème, le discours qu'il prévoit de faire, enfin, truc classique, quoi. Et il nous a reçus dans son ermitage. Donc on allait pour l'interviewer. Et on arrive dans l'ermitage, et puis il nous invite à boire le thé. Bon, en boire le thé. C'était sympa, d'ailleurs. Hein. C'était même impressionnant, d'ailleurs, parce qu'il était quand même assez présent. Hein. Nous, on était un peu... Et puis, il nous dit... alors, et puis petit à petit, les questions s'en allaient. C'est-à-dire qu'on en avait de moins en moins dans la tête, et petit à petit, on n'en avait plus du tout, quoi. Et puis, il nous dit, vous savez, alors, c'est pas obligatoirement ces mots, hein, mais j'ai retenu ça, moi. Parce que depuis, c'est en moi, c'est dans mon cœur. Il nous dit, vous savez, le résultat de cette conférence n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est votre chemin d'amitié. Wow. Alors là, moi, j'étais sciée. Je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Il y avait Sœur Chancon qui disait « Corinne, Corinne, il y a un problème, Je dis « Non, pas du tout, mais je suis tellement émue, tellement touchée. » Chemin d'amitié. Et en fait, depuis, ce chemin d'amitié est là, quoi. C'est ça que je fais, en fait, au sein de la Sangha. C'est j'apprends à cheminer en amitié. Et c'est un long chemin de cheminer en amitié, d'être en lien. Parce que moi, j'ai quand même une culture un peu... J'étais dans une tribu où la personne n'existait pas. Vous savez, cette tribu-là, où le collectif existe et les personnes, on les connaît pas, quoi. Enfin, elles n'ont pas leur mot à dire. C'est le collectif qui est important. Mais... Donc, il a fallu que je m'extraie tout ça pour m'individuer, comme dirait Jung, et revenir. Et en fait, j'ai rencontré une sangha où chacun existe, quoi. Il y a du collectif, mais il y a aussi chacun qui existe par lui-même et en interêtre avec le collectif. Et donc, j'ai découvert ce chemin d'amitié. Je me suis rendu compte que ça s'appelait l'interêtre au village des Pruniers. Et depuis, ben, je tisse en moi et à l'extérieur cet interêtre qui est un chemin, hein, parce que l'interêtre, c'est un univers. Interêtre avec la... Avec la nature, avec le ciel, avec vous, avec moi. Voilà. Donc, c'est un chemin de fraternité. Bonjour tout le monde, je vais prendre mon tour à parler. Pour des raisons tout à fait personnelles, familiales, la retraite à Viot, c'est ma seule retraite. Et pour moi, c'est ô combien important pour moi de trouver un endroit, un temps d'arrêt, de me ressourcer. Donc j'ai la ferme intention de pratiquer profondément en prenant le moins de responsabilités pour me ressourcer. Bien sûr, dans l'école de Thaï, on peut tout à fait, tout c'est tout à fait possible de pratiquer en prenant des responsabilités, mais malheureusement, malgré mes longues années de pratique, je ne peux pas le faire comme ça. Moi, soit je pratique, soit je prends des responsabilités, mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Sinon, ça me donne une sorte de pression, de soucis qui gâchent un peu ma pratique de la retraite. Mais manque de peau, le premier soir, en arrivant ici, Corinne et Jean-Pierre m'ont réquisitionné et dit « Est-ce que tu peux venir avec nous en tant qu'enseignant ?» Et comme Corinne vient de dire, il y a un petit voix en moi qui, bien sûr, je peux dire non, mais comme toi, dans le cas que tu viens de dire, il y a une petite voix qui dit il faut que je dis oui. Donc ça fait je change du tout au tout. Voilà. On part aujourd'hui pour le thème de la retraite, c'est cultiver la fraternité et renforcer, construire le sangha. Et hier, comme j'ai vécu longtemps au village et dans une autre communauté monastique en France, avec le thème de la retraite, ça fait une étincelle. Je croisais Jean-Pierre et je dis, est-ce que tu peux en parler de le principe, les six principes de Harmony? Parce que là, c'est le béaba. Dans les sangs de pratique, dans les sanghas, on apprend tout de suite, le pratiquant, ce que c'est les six principes d'harmonie pour vivre ensemble dans la fraternité, dans l'harmonie, dans la fraternité, sans conflit. Il a dit non. Donc, voilà, j'ai dit, ah bon, c'est peut-être pour moi de parler ça avec vous, pour partager avec vous. Mais avec l'âge, mes souvenirs, mes mémoires, ça flanche un peu. Donc, malgré que c'est une notion de base très béaba, mais c'est de vagues souvenirs. Donc, j'ai demandé à Pépino, on est ensemble au bar, ce n'est pas pour prendre un whisky, mais là, on a une transmission Wi-Fi, et là, on a connecté avec, via sa tablette. On a connecté à deux sites web de bouddhistes et j'ai téléchargé deux articles pour rafraîchir ma mémoire. Et j'ai pris quelques notes. Donc, je vais vous parler de six principes de l'harmonie applicables, pratiqués aux membres de la communauté. Cette matière est un peu chèche parce que là, c'est comme une sorte de charte, une sorte de constitution, une sorte de règlement d'ordre intérieur, c'est un peu rude, mais c'est indispensable. Et je mets moins de ma part personnelle, comme l'exposé de Corinne et de Jean-Pierre, parce que là, c'est plutôt quelque chose de constitutionnel, indispensable, mais je peux très peu mettre de ma part personnelle dedans. Qu'est-ce que je vous dis encore? Oui, voilà. Mais ce n'est pas, de mon intention de ne pas permettre, mais parce que c'est la matière. Et je n'ai pas le talent de taille de mettre, d'exprimer, de rendre quelque chose de chèque, quelque chose de vivant et intéressant. Donc j'essaie de faire de mon mieux, mais voilà. Mais d'abord, il faut prendre le pourquoi. Les six principes d'harmonie, quel est le contexte? À l'époque du Bouddha, jusqu'à maintenant, la composition du Sangha, et quand je parle de Sangha, c'est le quatrième Sangha, c'est-à-dire la communauté des moines, la communauté des moniales, la communauté des laïcs hommes et la communauté des laïcs femmes. La composition de la sangha n'est pas du tout homogène. Parce que les membres de la sangha viennent d'horizons très divers. Déjà à l'époque du Bouddha jusqu'à maintenant. Ce sont des personnes d'âge différents, de niveaux d'instruction différents, de métiers différents, de motivations différentes. Et des attentes aussi différentes quand ils sont entrés, vus ensemble dans une sangha. Et en plus, donc ça c'est bien sûr, la différence font la richesse d'une sangha. Mais la différence, c'est aussi la source de différents points de vue, différentes façons d'agir devant un problème, et de la sorte de conflits, de différents, des discussions, etc. Et le problème est encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans une communauté spirituelle. Et tôt ou tard, dans la pratique, ce n'est pas automatique à 100%, mais souvent, la pratiquante arrive à un stade, il doit faire face à ces blocages, ces problèmes, ces souffrances qui remontent à la surface. À ce moment-là, ce n'est pas très confortable pour lui. Encore moins pour les camarades de chambre ou de toit. Et on voit bien le topo. La difficulté pour faire face, pour harmoniser ce problème. Donc, depuis lors, le Bouddha a fixé 6 principes de base. 6 principes, on appelle en vietnamien lokwan, ça veut dire lok, ça veut dire 6, wan, ça veut dire harmonie, pour prévenir et installer l'harmonie dans la communauté des pratiquants, des communautés de la sangha. Voilà, maintenant je dois lire mes notes parce que sinon je fais des bêtises. Le premier principe c'est Thân Hòa Đồng Trú. Đồng Trú, ça veut dire l'harmonie dans le lieu de vie. L'harmonie dans le lieu de vie. La communauté doit avoir un lieu commun, un toit, un immeuble pour vivre collectivement ensemble. Mais il faut que chacun respecte et pas escaparer l'espace privé. Il faut que ce soit en commun. Et le lieu de vie implique également les tâches pour la gestion. Et aussi, là, c'est aussi un partage équitable des tâches. Des tâches, des devoirs, selon la capacité, selon la faculté de chacun. Ah, j'ai oublié que Corinne et Jean-Pierre, si vous avez des ajouts, des éclaircissements, des anecdotes, vous pouvez ajouter selon si vous le trouvez nécessaire. Et deuxième principe, c'est Khẩu hòa vô tranh, vô trách, ça veut dire l'harmonie dans la parole. Éviter les disputes. Et là, c'est très facile à expliquer. C'est ici l'harmonie de la parole. Parole, ça veut dire ce qu'on dit, qu'on trouve maintenant dans les 5 entraînements, les 4 entraînements, c'est la parole aimant, la parole gentille, la parole vraie. On évite le double langage, on évite des disputes, on essaie de... Je n'arrive pas à lire ça, mais net. On évite des paroles qui divisent. On évite des paroles méchantes. Si on a des questions, des interrogations, il faut mettre assembler et parler, mettre les choses sur table pour discuter, au lieu de garder soi-même. Là, c'est le troisième principe. Le deuxième principe. Maintenant, je passe à la troisième principe. Yihua Donc, oui, ça veut dire l'harmonie dans, la, dans l'objectif, dans le but, dans la vie en, en, en commune. Et ceci doit être fait dans, dans les qualités que Jean-Pierre a dit par les hier, c'est dans la joie et dans l'équanimité. L'objectif de la communauté bouddhiste doit être faire face, embrasser nos souffrances, affranchir nos souffrances et arriver à un certain éveil pour soi-même et pour partager aux autres. Et c'est l'objectif de la communauté bouddhiste. Le quatrième principe, c'est yoyuwa dong tu. Ça veut dire l'harmonie dans le respect de l'entraînement. Il faut savoir que dans une sangha monastique, on n'est pas, les gens n'ont pas le même engagement. D'abord, il y a des candidats pour la vie monastique. Et puis, on devient novice. Et puis, on doit étudier les vinaya, c'est-à-dire les codes de conduite monastique, que ce soit pour hommes, pour bhikkhu, moine, ou bhikkhuni, pour les moniales. Donc, on a passé des études pour apprendre les béabas du bouddhisme, mais aussi de la discipline. Et on passe un examen et on reçoit le rentre ordination. À ce moment-là, on devient moine moyen en centrisme bhikkhu bhikkhuni. Et dans chaque étape, quand on est novice, on prend autant de préceptes d'entraînement. Et quand on devient moine ou moyen, on prend davantage. Pour les moines, c'est 250, je crois. Et pour les moyens, c'est davantage, encore plus. Combien? 300. 350, voilà. Je n'ose pas dire qu'on a les sexistes dans le bouddhisme, mais on ne sait pas pourquoi les femmes doivent prendre davantage que les hommes, les règles, les préceptes. Voilà. Donc, dans la sangha, il y a des niveaux d'engagement vis-à-vis des préceptes différents. Et tous les mois, il y a une assemblée de tous les mois pour récitation. Et selon le niveau d'engagement qu'on doit répéter, il y a tout une hygiène respectée. Et dans ce principe-ci, c'est l'harmonie dans le respect de l'entraînement qu'on a fait pour les membres de la monastique ou pour laïcs, c'est les cinq entraînements, les quatre entraînements. C'est quelque chose de difficile à le faire et l'entraînement, c'est comme on dit souvent, c'est sa lumière devant soi. On essaie d'éteindre le mieux possible et on a besoin de s'entraider, de soutien de la communauté pour le faire. Ah oui, les cinq, c'est très intéressant. Kinghua Dongyai, ça veut dire on partage la compréhension. Le partage de compréhension. Pourquoi? Parce que, comme Jean-Pierre vient de dire, dans la communauté, on n'est pas de même niveau. Il y a des novices, mais il y a des anciennes. Et on n'a pas de même niveau non plus de la pratique, d'expérience. Et c'est pour ça qu'avec ce principe-ci, les membres de Sangha doivent s'entraider pour pratiquer ensemble, pour s'entraider dans la compréhension du Dharma. Et en général, les anciens doivent prendre sous la tutelle les novices ou les laïcs qui sont résidents sur place pour guider dans la pratique du bouddhisme. Et c'est dans le deux sens. Les novices peuvent être également les anciennes Parce qu'en expliquant l'enseignement, ça devient plus clair pour les gens qui aident, les qui expliquent. Et le sixième, et c'est le plus connu que je retiens, c'est le partage équitablement des profits. En fait, partage ici, ça veut dire pas uniquement les profits matériels, c'est-à-dire les cadeaux, les sacs de riz que les gens apportaient, mais aussi des choses immatérielles que... je pense que quelque chose d'immatériel comme être intendant de Taille, par exemple, du vénérable du centre. Il faut pas qu'il y ait de favoritisme dans le centre de pratique. Et souvent, l'abbé des centres pratiques ne prend jamais uniquement un intendant, pour toujours. Mais il chantre. Pour un temps, il prend un novice comme intendant, et puis après X temps, il prend un autre. Comme ça, pour moi, c'est quelque chose, une faveur immatérielle pour que les novices puissent l'occasion de côtoyer le maître du lieu. Et là aussi, c'est une sorte d'équitable dans le partage. Ce n'est pas une seule personne qui a le faveur d'être toujours auprès du maître. Et je termine ici. Pour pouvoir vous raconter une petite anecdote dans le temps. Mais c'est une anecdote un peu, je veux dire, une mésaventure. Quand j'étais dans une communauté bouddhiste, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas au village Pounier, mais c'est un autre centre de formation d'un ordre bouddhiste vietnamien, mais très grand, qui a des temps partout dans le monde. Et ils ont un centre de formation pour les moines en France, dans le sud de la France. Et à ce moment-là, je suis un jeune homme. J'ai passé un temps pour étudier. Et là, c'est très intéressant parce qu'on apprend tellement de choses avec ce place. On apprend la philosophie, on apprend l'étude de sutras. On apprend le chinois classique, parce que la plupart de sutras sont écrits en chinois classique. On apprend le sandri, on apprend les rituels. Et comme je viens de vous dire, il n'y a pas de système de tarifs dans le bouddhisme traditionnel. On participe ce qu'on veut. Donc, après un certain temps, je fais les calculs. J'ai dit, je compte faire au moins 3 mois sur place. Donc, j'ai compté 3 repas, plus les conforts, logement, plus d'enseignement. Donc, je me suis dit, j'arrive à un montant. J'ai une publié à 90 jours. Non, 90, bon, 90. Donc, on arrive à un montant. Et j'ajoute encore en plus comme don. Donc, ça devient un montant important. Donc, je mets tout dans l'enveloppe. Et dans le temple, il y a toujours une boîte, ton fruction, je veux dire, don. J'ai mis dedans. Et le lendemain, l'abbé m'a croisé dans un cours. Et innocemment, il m'a demandé, est-ce que ce que tu fais là, c'est pour le monastique? Et pour moi, je ne vois pas saisir tout de suite le sens de la question. Est-ce que c'est donc là pour le monastique? Pour moi, c'est un don pour la palotre. Pour moi, je ne vois pas les différents. Je dis, bien sûr, c'est pour le monastique. Et là, c'est tout le monde est content. Parce que selon le principe, le sixième principe, si c'est pour le monastique, il va partager ce montant-là au nombre et par Yann, à chaque membre de la communauté monastique. Et à ce moment-là, il y a peut-être 8 personnes, de moignanes, l'abbé, quelques qu'un novice, deux novices et puis deux, trois moines, dont il y a un colonel de l'armée, l'ancien de l'armée. Donc ça fait au moins 8-9 personnes. Donc ils vont partager comme ça le montant. Ils sont très contents. Et pour moi, c'est très bien, tout est bien passé. En fait, ce n'est pas rien de fini. Quelques temps après, on m'a convoqué au bureau. Maintenant, ce n'est plus des monastiques, mais c'est un laïc. C'est le trésorier du temple. Pourquoi? Parce que les moines n'occupaient pas l'argent. Toutes les gestions de l'immeuble immobilier, les chars, ce sont les laïcs qui prennent en charge. Et on m'a demandé de participer. Un don, bien sûr. Il n'a pas un montant fixé, mais il faut faire un don. Et ils me donnent un cahier et je dois mettre le montant. Et je dis, dans ma tête, je dis que j'ai déjà donné. Donc je mets un zéro. Et là, l'homme fustige, me voit vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as fait? J'ai dit oui. Parce que toujours, le don, quand on fait un don, on ne se vend pas. J'ai dit autant d'argent, pour moi, c'est anonyme. Donc, ce n'est pas besoin de justifier que j'ai déjà donné. Et cet homme-là me voit comme un profiteur de la situation, parce que on te donne, tu ne donnes rien. Voilà. Mais c'est en fait, c'est par l'ignorance. Dans ma tête d'innocent et de bêtise, je ne vois pas encore la différence. Il y a deux comptes. Un compte pour un cadeau pour les monastiques et un autre compte pour la gestion, le fonctionnement du temps. Et il faut faire les deux. On ne peut pas, on donne, mais il faut préciser, on ne peut pas donner. Et voilà. Mais il y a un autre principe que je n'ai pas pratiqué avec cette personne-là, c'est l'apparonnement. On peut expliquer, mais à ce moment-là, je n'ai pas fait. Mais voilà, c'est une erreur à éviter. Donc, c'est une petite mésaventure que j'aime bien vous parler. Merci beaucoup. Merci, Ho. Juste avant les annonces, je vais rappeler quelque chose à propos du repas formel qu'on va avoir tout à l'heure et expliquer un peu. Le repas formel, c'est une pratique qui remonte au temps du Bouddha et de temps en temps nous la faisons, nous la pratiquons pour perpétuer cette tradition. Et alors ça peut sembler être une contrainte, mais il faut pas la vivre comme ça en fait. C'est une vraie pratique de méditation qui donne un cadre plus solennel vis-à-vis de la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose de très important. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Très simplement. Et par contre, si on mange n'importe comment, on ne vit pas bien non plus. Donc on donne ce cadre un peu solennel pour avoir beaucoup plus de respect par rapport à cette nourriture qui n'arrive pas toute seule. Comme on le dit dans les cinq contemplations, il faut beaucoup de travail et d'amour. Mais il y a aussi beaucoup de souffrance pour avoir cette nourriture. Donc, ça nous demande d'avoir une certaine réserve et un certain respect vis-à-vis de ça. La pratique du repas formel, c'est aussi un moyen d'apporter une cohésion à l'ensemble de la communauté. Au village, quand Thaï a fait les repas formels avec les processions et les robes, sangati et tout le bazar, quelqu'un a posé la question, mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi? À quoi ça sert? Et Thay nous a répondu, dans la pratique de la méditation bouddhiste, dans le zen pur, c'est pas nécessaire. Mais dans la pratique du bouddhisme ordinaire, le bouddhisme dilué, il faut le faire, parce que dans la communauté, il y a toutes sortes de gens. Il y en a qui vont s'asseoir devant un mur, c'est tout. Il y en a d'autres qui vont marcher dans la nature. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir le rite et le cadre. Et de voir les robes sangati. Donc il y a aussi cette raison-là, en fait. En plus de la solennité, on a aussi besoin de nourrir tout le monde. Donc s'il y en a que ça embête un peu, ne soyez pas trop embêtés. Il faut profiter de ce moment-là pour, au contraire, toucher la chance que l'on a de pouvoir manger. De toute façon, ce n'est pas le cas de tout le monde de manger facilement. Et pour l'instant, c'est notre cas. On peut le faire. Donc on peut le faire paisiblement et vraiment être en lien avec la nature. Et quand nous mangeons ensemble, nous sommes en lien les uns avec les autres. Après le repas, on va chanter le nom d'Avalokiteshvara. Et j'ai désigné comme volontaire... pour les cloches, des volontaires désignés, c'est normal. Comme Om, il ne savait pas, mais c'était son destin. Donc Avalokiteshvara, c'est le Bodhisattva de la compassion, symbolisé par une femme, en fait. Hein. La statue, c'est des traits féminins, hein, avec une branche de saule et qui laisse tomber des gouttes d'eau sacrée sur la souffrance du monde. Donc, ce chant, c'est, on l'invoque pour nous-mêmes, d'abord pour nous-mêmes, pour toucher nos souffrances et les apaiser. Si nous, on ne peut pas le faire, on peut demander à ce Bodhisattva de le faire pour nous. Et il n'existe pas en dehors de nous. Il n'est pas quelque part là-bas, dans le jardin ou sur la route. Non, cette énergie-là est en nous déjà. Donc on va aller la chercher, on va aller la toucher. Et elle va monter. On peut aussi demander ça pour nos parents, nos enfants, quelqu'un que l'on aime et quelqu'un même que l'on n'aime pas. On peut très bien faire ça. Pour cela, on peut le faire soit mentalement, soit on pourra dire les noms juste avant, et on peut aussi, sur un bout de papier, écrire les noms, et ce qu'on veut dire, hein, pas seulement le nom, il est né où, quelle ville, mais pas un roman non plus. Et on peut mettre les papiers dans la cloche, on va les lire. Voilà, en gros, c'est ça. Et ah oui, j'ai pas tout dit. Et le repas formel, normalement, alors, s'il y a des monastiques, c'est les monastiques d'abord. Mais là, il n'y en a pas. Quelle chance. Ça va aller un peu plus vite. Ils vont trop lentement, des fois. Donc là, ça va être les membres de l'inter-être. Par ordre d'ordination, ça, c'est, on respecte ça, c'est la forme, hein, c'est une forme. Et on respecte les formes dans le bouddhisme. Et donc, habituellement, on met la cloche est là, on met les hommes du côté de la cloche, et les dames, et normalement, parce que normalement, il y a la cloche en bois, mais on n'utilise pas, quoique là, on va l'utiliser quand même. Bon. Allez, les dames par là. Mais il y a toujours plus de dames que d'hommes, normalement. Alors vous inquiétez pas, remplissez tout le coin là-bas et vous verrez quand les hommes sont tout seuls, vous allez avec eux. Comme ça, ils seront moins tristes. Voilà, c'est tout. Et alors, pour se servir, c'est pareil. On va se mettre dans l'ordre, comme ça, dès le départ, en fait, pour la table à manger. Et on va marcher lentement, comme ça, en méditation, marcher jusqu'à la salle. Tout ça se fait en silence, sans parole, depuis la table à manger, jusqu'au moment où on va ressortir de la même manière, en fait. C'est-à-dire, Corinne et moi, on va sortir d'abord, quoi. On aura l'eau propre pour la vaisselle. C'est le seul avantage pour nous. Mais pour manger, par contre, c'est le même régime pour tout le monde. On doit s'attendre tous. On attend les cinq contemplations. Et je pense tout d'un coup aux gens pour le gluten. Alors peut-être ces gens-là, ces personnes-là, peuvent se mettre tout de suite après nous. On n'ira pas vous voler votre sans-gluten. Normalement, mais je crois qu'hier le gâteau c'était sans gluten. Oui, c'est vrai. Oui. Il me semble. Hein. Ouais, j'en aurais bien repris.